En Corée du Sud, la formation Jean pour la paix et la réunification a tenu le 174e rassemblement pour la paix et le désarmement devant le ministère de la Défense le 25 octobre contre le conseiller Bull des États-Unis et des fantoches sud-coréens pour une attaque préventive contre la République populaire démocratique de Corée.